peux plus, j'en ai marre qu'on me prenne pour une pute, ça me dégoûte. Bah, c'est ça, ça va pas être marrant tous les jours. Non, tu peux pas imaginer tous ces connards avec leurs bites dégueulasses. Parfois j'ai envie de les bousiller. Tu m'étonnes, ça va être l'horreur. Mais je dis pas ça pour toi, hein. Toi t'es gentil. C'est mon c'est ça? Non, ça m'a surprise. C'est parce que j'ai des problèmes de circulation. Alors j'ai beau prendre du dafond, mais j'ai toujours des problèmes de froid. Je te mets ton petit chapeau. Donc là, moi j'ai déjà chopé des champignons à la piscine. Alors j'ai pas envie d'attraper le sida. Vraiment, ça craint de faire ça. C'est bon, non? Évidemment qu'avec bien ton amour de moi. Ça va sûrement finir par arriver, hein. C'est mathématique, hein. Un jour ou l'autre, tu vas tomber dessus. Voilà. Non, parce que j'en ai tellement loin de toutes ces galères, ces galères, ces galères, ces galères, ces galères, ces galères, ces galères, ces galères. Yeah. See you. c'est galère.